dans le cadre de la Nuit Blanche du Festival Montréal en Lumière, Choc FM t'invite à venir passer la nuit en sa compagnie au cœur des sciences de l'UQAM. Soyez présents le 28 février prochain dès 22h pour plus de 4 heures de spectacle mettant en vedette Tony Dez et Corias. De plus, les DJ de Choc Latino et de Ghetto Rudy seront sur place pour vous faire danser sans relâche toute la nuit. On vous attend donc samedi le 28 février prochain de 22h à 2h à l'Agora Hydro-Québec du cœur des sciences de l'UQAM pour une nuit blanche de musique avec Choc FM. La troisième édition d'ETS en spectacle est une demi-finale locale qui se tiendra le 26 février à l'Auditorium Nortel, situé au pavillon A de l'ETS, au 1100 rue Notre-Dame, dans le cadre d'Université en spectacle. Cette soirée permettra aux étudiants de l'École de technologie supérieure de se produire sur scène et de montrer leur talent aux gens sur place. Le gagnant de cette édition aura la chance de se mesurer aux finalistes des autres universités québécoises lors de la finale d'Université en spectacle présentée à Trois-Rivières le 10 avril 2009. Venez encourager les talents de l'ETS à l'Auditorium Nortel. L'entrée est gratuite. Dès le 19 février, le Festival international Temps d'images envahit l'usine C. Un parcours inédit, des spectacles, performances, projections, installations de New York, d'Italie, d'Angleterre, de France et du Québec. Une rencontre unique avec des créateurs audacieux et décoiffants. Pour en savoir plus, visitez le www.usine-c.com. Billets et passeports en vente maintenant. Du 19 au 28 février, vivez au rythme du festival Temps d'images. Choc. L'alternative urbaine. Carbin? Bonsoir. Bonsoir. À manchette ce soir, je suis en retard, fait que je t'ai soufflé. Ok. Tommy va chialer sur un film plate. Étienne va écouter de la musique plate. Puis Jessica va être belle. Sauf que elle va être belle ailleurs. Jason, t'arrives. À 70%. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy qui joue au Magic Zelda dans un verre de pain. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh se faire vomir, une solution à pas beaucoup de problèmes. Pardon? Ben, j'ai dit que j'ai vraiment l'air schizophrène. Mais au moins, j'ai mon ami, bien sûr, Étienne Forêt, qui est en studio. Ouais, le seul qui est là aujourd'hui avec Tommy, bien sûr. Pur, avec Sarah Juni qui est de l'autre côté, qui mange un falafel. Ben oui. Et puis, on a ici Éric Serra, qui nous a fait la trame sonore pour l'émission de ce soir, en background. Atlantis. Un petit dessin animé de... C'était quoi? C'était Pixar, ça, jadis. C'était pas mal bon. Mais en même temps, semi-standard. C'était vraiment important. Le film de ce soir, moi, c'est Contre-Force, Counter-Force. C'est un chef-d'œuvre des années 80 qui va vous faire penser au A-Team avec Mr. T. On va en parler plus longuement tantôt. Ah. Et puis, Étienne, est-ce qu'il y a un nom à ton spécial? Il y en a un. Il y en a un parce que c'est un grand événement aujourd'hui. Vas-y, mon gars. Imagine-toi donc que dans deux jours, ça va faire un an que je suis venu ici la première fois. Oh ben, sapristi! C'est mon premier anniversaire choquien. Et voilà Bruno qui vient d'entrer. DJ Georges que j'avais contacté pour trouver la chanson « Il y a trop de beaux gars ». Mais oui, ça a commencé comme ça grâce à Sylvie Davio. Merci Sylvie Davio. Merci Sylvie Davio. Donc pour l'instant, on va écouter Joe Sposito. You're the best around. Et pour toi, Corbin, man, travaillez fort en fin de semaine. On a déménagé la grosse à 70%. C'est lourd, une grosse. Choc FM, l'alternative urbaine. Ça, c'est peu, hein? Il y a comme une... Ça build. Try to be best, 'cause you're only a man, and a man's got to learn to take it. Oh yeah. On va savourer tout le monde en regardant le plafond. History repeats itself. Try and you succeed. Never doubt that you're the one. J'amour à tous les auditeurs de 70%. La pensée de la semaine. Aujourd'hui, je m'aimerai en prenant véritablement mon bien-être à cœur. Je vais choisir d'aimer ceux qui méritent mon amour et qui respectent sa force et sa puissance. Aujourd'hui, maintenant, je n'attends pas pour faire. Je n'attends pas pour dire je t'aime. Je n'attends pas pour te pardonner afin d'être en paix et pouvoir avancer plus sereinement sur le chemin de la vie. J'ai le droit de dire non lorsque je suis fatigué. J'ai le droit de refuser quelque chose que je n'aime pas. J'ai le droit de définir mes bornes personnelles. Peut-être es-tu en colère, ou triste, ou malade. Peut-être as-tu de la rancœur, du ressentiment qui blesse ton cœur. Peut-être... Ah... Il y a tant de peut-être. Il y a tant de peut-être. Est-ce que c'est signé Terrell Owens? Quelle belle interprétation. C'était la pensée de la semaine. Ah, ça fait du bien. Hein? On a pensé pour toute la semaine. Carbin, man, impressionne-nous. Ouais, ok, c'est bon, je vais essayer de vous impressionner. C'est pas passé grand-chose cette semaine, je vous amène pas des gros dossiers, là. Alors, il y a la police irlandaise qui a enfin retrouvé le pire conducteur au pays. Yes! Il était recherché aux quatre coins du pays pour avoir battu des records de vitesse, mais réussissait toujours à éluder les autorités en changeant d'adresse continuellement. Mais sa chance allait s'épuiser, l'homme que tous les officiers de police recherchaient, un certain... Bravo Jazdi n'était pas exactement le génie criminel qu'il croyait. En fait, il n'était même pas une personne. Bravo Jazdi est en fait du polonais pour permis de conduire. nous affirme un officier de la division du trafic. Après avoir découvert ceci, continue-t-il, j'ai décidé de vérifier à combien de reprises cette erreur avait été faite. C'est assez embarrassant. Le système a créé plus de 50 identités pour Bravo Chazdi. Un mémo a été passé. Un mémo! Bravo est maintenant un héros populaire parmi la population polonaise en Irlande. Aïe aïe! Aïe aïe! C'est quoi ça? C'était Serge Vlemenck, ça, qui réagissait. Aïe aïe! Aïe aïe! Aïe. Ah, t'as sorti ton Serge Lemaingre de poche? Oui, j'ai mon petit Serge que je tiens toujours dans mon sac à dos avec ma petite chanteuse naine aussi. Là. J'en sors un des deux une fois de temps en temps. Hey, c'est super cool. Hey, Tommy. Oui? C'est quoi la trame sonore aujourd'hui? C'est Atlantis de Eric Serra. Ah, ouais. Est-ce que tu l'avais dit avant que j'arrive? Oui, ouais. Ah, okay, on l'avait dit. J'aurais dû fermer Maya. Exactement. Culpabilise mieux. Hey, Forêt, c'est-tu toi qui commence ou c'est moi? Ben écoute, moi je dis que c'est toi. Ok, fait qu'on va parler de Counterforce à titre original, l'escadron ou contre-force en français. Comme on a déjà longtemps ergoté sur Counterforce et que le show s'appelle 70%, je me suis permis de recycler ici le texte qu'on a lu lors de la dernière présentation de Counterforce à 70%. Émission célèbre d'ailleurs celle-là de par le monde, surtout pour la présence de Andrew Wells qui était venu chanter avec moi la première fois où en fait j'ai récité, on va l'écouter ici, là. On avait fait ça live en studio, c'est mon poème. Je m'aime chaque jour, chaque semaine. Je m'aime et Dieu sait que j'en vaux la peine. Je m'aime simplement encore trop peu dévotement. Parlant de Dieu, j'espère qu'il existe vraiment. Car lui seul peut, depuis son firmament, mesurer l'étendue de ce que j'éprouve à mon endroit. Mais mes amis, pas de faux émoi, car bien que tout cet amour soit par et pour moi, je garde une pensée pour vous, les privilégiés, chanceux de me regarder m'aimer. Comme dernière strophe à ce poème, qui se nomme avec raison « Je m'aime », j'ose vous rappeler que vous aussi, sans conteste, avait le droit de m'aimer. C'est tellement incroyable, vrai. Incroyable! Renversant, superbe! Merci Serge, merci vraiment. Je m'étais donné là-dessus, puis de voir mon pote Andrew qui vient faire de la cornemuse live pour qu'il chante ça, c'était comme vraiment appelé le vide sale. Hey, mais sinon, ben, je vais vous lire le texte qu'on a parlé. C'est sur Counterforce. C'est Cassar. Cassar est un révolutionnaire. Il est bien prêt de se faire élire dans une république d'Afrique du Nord. On va y en reparler de ça aussi. En tant que premier président novateur aux idées axées sur les mesures sociales. Mais, malheureusement pour lui, Robert Forster a besoin de payer son loyer. C'est l'unique raison pour laquelle il accepta de tenir le rôle du très méchant sultan dictateur qui tentera par tous les moyens et durant tout le film d'assassiner Cassar le révolutionnaire. Un peu à la manière dont le Dr. Gang refait tout le temps les mêmes affaires, avec les mêmes erreurs, dans le même ordre. Un peu sauce commandant Cobra qui perd une base par épisode sans jamais modifier sa stratégie, ce temps dictateur ne changera jamais réellement de manière pour tenter de mener à bien sa mission, qui est de tuer Cassar le révolutionnaire. Il faut avouer que Cassar bénéficie de la protection du Counterforce, les meilleurs des meilleurs sur tous les terrains et dans tous les types de missions. Comme changer une couche. Counterforce, c'est quatre gars, souvent habillés légers, en manque de femelles, surentraînés et passablement moches à regarder. Ces gars vont en venir au feu et au sang avec les hommes du sultan dictateur, aussi en manque de femelles, surentraînés, à être suicidaires, on comprendra, et moches à regarder. Tous les classiques de l'actionneur classique sont utilisés dans cet anti-classique américano-espagnolo-mexicain. Résidu bien sûr de la surproduction des 80s. Accéléré outrageux, chair contre chair rapide, de la machinerie lourde impliquée dans des combats de véhicules, des montages d'entraînement, une pause d'équipement merveilleuse, wow. Des poursuites en char interminables et surtout, surtout, surtout, la plus incroyable surdose de gars qui tombent en bas après s'être fait tirer dessus que la pellicule peut porter. Dans le même film, 13 chutes de gars qui tombent en bas différentes dans des contextes différents, souvent lors de séquences différentes. Même surpris dans leur intimité, les méchants, plus que jamais en manque de femelles, écoute un western à la TV durant lequel un gars reçoit une balle avant de passer par-dessus la passerelle et de tomber à l'étage d'en trou, d'en dessous. Ce qui veut dire que même dans leur passe-temps, Il regarde les gars tomber en bas, après ça, il se pratique. Notons que Cassar, malgré la protection des meilleurs, se fait blesser à sa sortie de l'hôpital où il venait guérir une blessure subite alors qu'il était sous la protection des mêmes meilleurs des meilleurs. La tagline, bien sûr, sur le film, « Dans un monde de terreur, il n'y a qu'une seule solution. » Changer de poste. Non, on va plutôt y aller à 4 minutes 8. Là, c'est vraiment la première séquence du film. On va apprendre à trouver nos héros un petit peu, comment dire, pas vacuits, profonds. Ouais. Ouais. 1 minute 38 secondes. Tu te vis, Harris. On peut faire moins. Vous avez une excuse? Aucune excuse, nous sommes trop lents. Manque d'énergie mentale. Nash, tu vas nous lâcher avec ton cirque. J'essaie de contrôler mes ondes cérébrales. Tu peux pas contrôler quelque chose que t'as jamais eu, vieux, hein? Ah! Il le casse. Qu'en penses-tu, Flyboy? J'aimerais avoir ton avis. Ben, on s'en est plutôt bien tiré. Malheureusement, c'est loin d'être suffisant, mon gars. Au football, on peut se contenter de jouer pas trop mal. Et avec de la chance, vous arriveriez à remporter le match. Dans le boulot qui vous attend, vous commettez une seule erreur et la sanction tombera aussitôt. Ah ouais, c'est quoi? Un lancer de couteau dans un mur. Vous ne vivrez pas assez vieux pour comprendre ce qu'est le clocher. Oh, ben soda, toi, tu veux McLean, pas que ça arrive? Virginie. On s'en va à McLean en Virginie, mais ça, pour l'instant, on n'en a pas grand-chose à faire. On va plutôt aller à la 11e minute 30, on vient de rencontrer les meilleurs. Un coup que t'as rencontré les meilleurs, c'est le fun de voir la personne qu'ils vont protéger. Parce que Cassar est quelqu'un à protéger. Non, en fait, c'est Robert Foster qui est le méchant. Cassar! Oui. Ce traître ne pense qu'à essayer de me tuer. Terminé! Mesh! Il doit disparaître! Oui, oui, à vos ordres. Tuez-moi, Cassar! La réaction à cet attentat ne s'est pas fait attendre. Et ensuite, les patrons américains. S'est exprimé avec énergie. Cassar ne parle que de paix, mais il a envoyé un espion pour me tuer. Il a échoué. Ça vaut la peine de le mentionner. À présent, il doit payer. Je vais lui envoyer mes escadrons de la mort. Ils mettront fin à la vie du traître Cassar. Et voilà, en plus, le boss des gentils... Celui qui préside les gentils, c'est comme le sergent dans l'état. Ben, il veut tuer Cassar. Fatal. À cause de nous. Non, c'est. Nous devons le protéger. Les meilleurs hommes sont en Europe. L'agent fait la farce, le boss du Counterforce. Ah, ben oui. C'est une mission pour la crédibilité. C'est vrai. Ce soir. Quand il s'en va en Europe, là, pardon, je me suis enfargé dans mes affaires, mais c'est pas vraiment important. Ce qui est sûr, c'est que on comprend que les Américains ont tenté d'assassiner le sultan dictateur joué par Robert Foster, que le sultan dictateur a survécu pour aller dire en onde qu'il avait survécu. Sultan dictateur étant son prénom et son nom de famille. C'est ça, c'est ça. Ouais. Puis là ensuite, c'est comme permis de conduire. Cassar est menacé de mort, mais c'est les Américains qui sont responsables du fait qu'il est menacé de mort parce qu'il met la faute de l'attentat sur Cassar. Mais oui. Mais c'est pas lui. Fait que les Américains s'impliquent en envoyant les meilleurs des meilleurs, la Counterforce qu'on va rencontrer un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va aller vers une super pause. Ah oui. Oui, ça l'apprend. Dites-vous, vous autres, vous avez seulement l'audio. Dites-vous qu'il y a un visuel avec ça. Oui. C'est fabuleux. On revient juste après la super pause, c'est à peine 1 minute 30. Étienne Forêt va nous amener au-delà du paranormal. Oui. Ça va être tellement beau. La plus belle minute 30 de toutes vos vies. Oui. Ça vaut la peine de... De laisser d'attendre puis de désirer. Pour être gagnant, il faut qu'on ose avec Superpose, évidemment. L'amour est un jeu dont on dispose. Ça se joue à deux, chacun son rôle. Pour jouer gagnant, je te propose une Superpose. Superpose, c'est un battant la ville. Mais pour t'évader, je te propose une super pause. Super pause, c'est un jeu, c'est si facile. Super pause, ça rend heureux, ça nous enivre. Super pause, c'est un jeu. Pouvait passer par des speakers. Non, oui, facilement. La guimauve, la mélasse. Tout. C'est pour ça. T'as l'expérience, DJ Georges. Oui, mais hein. Et là-dessus, après cette super pause, une autre pause. Après la pause, DJ Georges traverse l'enfer de la drogue à 70%. J'aime les bonbons. J'aime... Papa, j'aime maman, j'aime Pierre-André, j'aime Carlo, j'aime les galeries d'Anjou, il y a beaucoup, beaucoup de bonbons. Les galeries d'Anjou, d'Anjou, plaisent à tout le monde. Boulevard Métropolitain et Montée Saint-Léonard. Et oui, c'était Marie-Josée Taillefer, celle-là même qui un jour grandit et maria René Simard et lui fit deux enfants sourds. Si c'est pas du Darwin en action, ça, je me demande ce que c'est. Donc, là-dessus, ça commence fort aujourd'hui. Ça fait un an que je vous connais, messieurs, dames. Presque, dans deux jours, ça va faire un an, en fait. Sauf pour Sarah, que j'ai rencontré juste plus tard, mais... C'est pas grave, elle n'a pas parlé encore dans l'émission. C'est, fait que, c'est comme si elle n'était pas là. Je viens d'ouvrir son micro, puis elle est avec le rat musqué de choc. Mais oui, elle a amené le rat de choc. Il y a une queue infinie. Oui, et un visage approprié. Donc, comme ça fait un an que je vous fais jouer des tunes poches, j'ai décidé de faire un spécial premier anniversaire en vous repassant les meilleures tunes poches que je vous ai fait jouer jusqu'à maintenant. Donc, celles qui ont déclenché le plus de bonnes réactions de votre part. Donc, je commence tout de suite par la toute première tune que j'ai fait jouer ici à choc. Que ça fait longtemps, les vieux de la vieille s'en rappelleront peut-être. Il s'agit de la chanson « Cher détenu » par Jenny Fontaine et Gaétan Richard. On avait oublié, hein, ça? Donc, « Cher détenu », là, c'est une femme qui écrit une lettre à son mari qui est en prison pour le domper par écrit pendant qu'il est en prison. C'est quand même assez chien. Là. Ouais. Puis en plus, elle laisse pour quelqu'un d'autre. En plus... Elle l'appelle « Cher détenu ». Je suppose que je vais dire la même affaire que j'avais dit la première fois, mais tout pour qu'il se pende dans sa cellule. Elle n'avait pas dit ça, vraiment. Là, il chante, ça. Ah oui, je suis déjà conquis. Mais c'est une vraie chanson, genre. Elle s'est sortie, il y a eu un CD à 10. Ben, pas un CD, mais oui. Est-ce que le détenu existait? Ah, je crois pas que ça soit autobiographique, quand même. Hey, ça serait trash. C'est qu'au lieu d'écrire une lettre, elle écrit cette tune-là, elle l'en dit, puis elle la fait jouer à la radio pendant qu'elle est en prison. Puis elle gagne plein d'argent parce qu'il meurt en vrai. Mais après. Je suis riche et je parle plus à tes enfants. Next. OK. À part de ça, bien sûr, celle-là, on l'avait laissé jouer au complet la première fois quand vous saviez pas à quoi vous attendre. Vous avez juste dit, mais une tonne, on va la mettre au complet. Astaire, on te respecte. Ouais, Astaire, vous me restreignez plutôt. Donc, évidemment, la chanteuse qui provoque toujours plein de bonnes réactions, c'est Manon Bédard. C'est ce que j'étais pour dire. J'ai visité la Suisse un jour pour voir ce beau pays. C'est là que j'ai entendu ce joli outil. J'ai monté sur la grosse montagne, il faisait beau soleil. J'ai rencontré l'homme de ma vie, il était sans pareil. Il m'a montré à yodel, Manon Bédard, la yodeleuse québécoise, qui nous apprend ici que c'est un homme sur une montagne en Suisse qui a montré à yodeler. Une grosse montagne en Suisse. Ouais. Si on écoute plus loin, même, il a aussi montré à faire l'amour. Je sais pas si c'était en même temps. Mais il était sans pareil. Il était sans pareil. Voilà. Ça, la première fois que j'ai fait jouer ça, après la réaction habituelle ici, écoutez ça. Et voilà. Tout en yodelant. Donc, la première fois, j'avais préparé juste un petit extrait. Puis Tommy m'avait dit « Ah, mais encore! » J'avais trouvé ça un peu bizarre, puis je me suis dit « Ah, je vais revenir, finalement! » Donc après ça, on avait eu le spécial chrétien. Dominique, Nika, Nika, s'en aller tout simplement. Et là, je vous avais parlé de Sœur Sourire. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Sœur Sourire qui s'est, oui, effectivement, suicidée un beau jour avec sa blonde en prenant plein de médicaments parce qu'elle faisait faillite. Ça allait vraiment bien, là, dans ça. Ouais. Elle avait défroqué, puis le fisc l'avait poursuivi pour avoir tout l'argent qu'elle avait fait avec cette toune-là, qu'elle avait pas, c'est sa congrégation qui l'avait gardée. Fait que voilà, Sœur Sourire. Et puis, puis le fisc, est-ce qu'il dort bien, là? Le fisc, d'après moi, oui. Hein. Si tu travailles au fisc, tu t'en fous de faire ça. Ok, j'avais compris le fisc. Moi, je pensais que c'était son fisc. Non, le fisc. Je me suis tout rappelé l'histoire. Le fisc belge. La congrégation, bien sûr. Qui... Oui, la congrégation qui s'en fout. Mais là, d'un autre côté, elle les a laissés tomber, puis elle est partie avec une femme. Là, ils peuvent bien fâcher. C'est vrai, non, mais elle méritait de brûler. Oui, oui, clairement. À s'en aller en enfer, anyway. Fait que c'est ça. Tu l'es pas. Et puis, dans ce même, épisode chrétien, je vous avais fait découvrir Jacques Lynn Lemay. Puis celle-là, on peut la laisser jouer du début à la fin pour voir si vous êtes des vrais de vrais. Donc, si ça va mal dans votre vie, là, écoutez ça. Ça s'appelle « Semer la joie et tout ira mieux après ». Pour les 1 an du DJ Georges à 70%, il va nous faire nous sentir mieux. Vive la vie, semer la joie. Semer la joie qui rayonne au cœur de la charité. Vive la vie, semer la joie. De pardonner à son prochain, de lui prendre la main pour marcher vers le bien. Qu'il fait bon d'être heureux, de sourire et d'aimer. Vive la vie, vive la vie, semez la joie, semez la joie qui rayonne au cœur de la charité. Vive la vie, vive la vie, semez la joie, tra-la-la-la. C'est le temps de laisser pénétrer en nos cœurs avec ses chauds rayons d'ardeur, le soleil du bonheur pour nous rendre meilleurs. Qu'il fait bon d'être heureux, de sourire et d'aimer. Vive la vie, vive la vie, semez la joie, semez la joie qui rayonne au cœur de la charité. Vive la vie, vive la vie, semez la joie, tra-la-la-la. C'est le temps d'avancer allègrement, de fredonner à tous les gens le secret de cœur content pour qu'ils en fassent autant. Qu'il fait bon d'être heureux, de sourire et d'aimer. Vive la vie, vive la vie, semez la joie, semez la joie, c'est toi qui rayonne au cœur de la charité. Vive la vie, vive la vie, semez la joie, tra-la-la-la. Au-delà du ciel bleu, au paradis des bienheureux, voir un jour le bon Dieu, ne vouloir rien de mieux. Qu'il fait bon d'être heureux, de sourire et d'aimer. Vive la vie, vive la vie, semez la joie, semez la joie, c'est toi qui rayonne au cœur de la charité. Vive la vie, vive la vie, semez la joie, tra-la-la-la, tra-la-la-la. Ça fait du bien. Bon, ben, nous sommes de retour. Non, on était tous en train de saigner du nez. Jacqueline Lemay qui était commandité par les Rice Krispies. C'est une chanson qui donne beaucoup de faux espoirs aussi. Il y a beaucoup de fausses fins dedans, ouais. Moi, je trouve. C'est sinon, tu t'offrais pas. Là, ah, tu penses? Un petit bout à la fois, là, tu dis bon, quelque chose. On s'en va en nouvelles. Oui, on s'en va en nouvelles. Alors, on a entendu parler des gens qui conduisent leur voiture en dormant, qui jouent du piano, qui grimpent des montagnes, même des gens qui tuent d'autres gens. Mm-hmm. Mais c'est pas tout. Il y a une femme qui a envoyé un courriel à 3 de ses amis pendant son sommeil, les invitant à passer prendre un verre le lendemain, leur demandant de n'amener que du caviar et du vin. Elle fut surprise le lendemain quand une de ces personnes l'a appelée pour confirmer. Il semble que d'ouvrir un ordinateur, de se rappeler de son nom, de se rappeler de son nom d'utilisateur, de son mot de passe, soit des activités qui demandent beaucoup trop de concentration pour un somnambule, et on soupçonne donc que les effets soient causés par un médicament. Au moins, on a un néologisme qui est sorti de la patente, le Zmail. Oh. Au moins, ça n'aurait pas été pour rien. Au moins. Ça, il nous reste. Aïe, t'as pas pris celle-là, je l'aime. Un plaisir. Mais c'est pas plus fort que de tuer quelqu'un dans ton sommeil, non, c'est carré. Puis de te servir de ça comme défense, le somnambulisme. Ouais. Puis d'être acquitté. Dans un instant, dans vos oreilles. Non, on est rendu à quoi, là? T'en as-tu une autre? Ben, je peux en faire une autre tout de suite, si tu veux. Un spécimen de caille très rare qui était sur la liste rouge et supposé éteint, qui a été trouvé aux Philippines. Aucune étude poussée n'avait jamais été faite sur l'espèce. On connaissait juste l'existence par des dessins et spécimens datés dans certains musées. Il y a une équipe de télévision qui a documenté la vie de la caille avant qu'elle ne soit vendue en janvier dernier au marché de volaille, probablement pour en faire un bouillon, là. Il y a 900 $ qui l'attendent. Merci Serge, il est pratique, hein, ça précise. Ouais, ouais, oui. Le vlemin dit de poche. Fait que ouais, c'est ça. Là, ils ont trouvé une caille spéciale. Ouais, c'est ça. Puis finalement, ben, ils l'ont mangé. C'est ça que tu fais. Si tu veux faire d'autres avec ça. Avec ça. Ouais. Je veux traverser l'univers, la galaxie, aller trouver des planètes où il y a d'autres formes de vie pour les manger. T'sais. Fait que regarde, si je trouve une caille qui existe plus, je vais la manger. Hey, c'est un noble but, ça. Voilà ce qu'il voulait. Voilà ce qu'il voulait. Hey. Bon, on va réfléchir à ça pendant qu'on va écouter ici une version infecte de Video Kill de Radio Stars. Je vous laisse ça vous souffrir. Donc, on va revenir après pour une autre discussion sur Counterforce, le film que j'ai choisi aujourd'hui. Douteux.org, forever! J'arrive de loin et ma fusée fuit de partout. Je cherche mon chemin pour aller à ton rendez-vous. Mais mon radar et mon moteur ont tourné fou. Ça, monsieur. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Ici Chavara, la seule radio qu'on écoute, c'est Choc FM, l'émission 70%. Sûr. Hey, on a vraiment souffert audio tout le monde ensemble. C'est quoi qui dit? Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Ouais, c'est ce grand corbeau noir. Qui est ce corbeau noir? C'est lui, il a commencé en se disant star, ça rime avec noir, puis ouais. On part avec ça. Sur mon VCR. Moi, je m'enregistre sur mon VCR. Puis ça aurait eu plus rapport, parce que c'est Video Kill de Video Stars. Ouais. C'est à Star, tu peux être belle et faire de l'argent. Avant, il fallait que tu aies du temps. j'ai pas été capable. Hey, là, on va retourner se plonger dans l'aventure qui est bien sûr le Counter Force d'aujourd'hui. La petite trame sonore du début, je la trouve vraiment friolante. Là. On a Vidéoville. Ah ouais. C'est un Vidéoville. Ah, c'est vrai, j'ai le t-shirt en plus. Ça, oui. On est concept mur à mur. Ça ah, j'ai même, fait une mettre aujourd'hui. Wow! Hein? Moi, je l'ai regardé. On aurait dû s'appeler. On aurait dû s'appeler. Ouais. La musique des héros, hein? Ben oui, on le voit, là, qui sont solides. T'es obligé d'être bien entraîné si t'es présenté par la musique de même. Ben, écoute, là, ou d'être au moins bien peigné, ce que les quatre héros sont très, très, très, très bons pour faire. Sauf Isaac Hayes, le crooner funky, qui est pas mal chaud. Qui fait chef dans South Park. Oui. Il faisait. Ouais, parce qu'il est mort. Oui, évidemment. Dans South Park. Puis dans la vie. Ouais, dans la vie aussi. Il est mort dans South Park avant de mourir dans la vie. Ouais. Et t'es ça. Là, j'ai de la misère à toucher à la souris, mon bras est barré en haut. On est tous au garde-vous en studio. Donc, on est en 1988, quand Counter Force a été faite. 88, ça faisait une année complète que le monde pleurait le départ du A-Team. Télésérie de 83 à 87, le A-Team mettait en scène quatre vétérans du Vietnam qui décident de se mêler des affaires des autres en leur réglant leurs problèmes. Pour de l'argent. Oui. Pour pallier au manque de poursuites en char en accéléré. D'explosions candides à la fin d'une séquence. D'interrelations cocasses entre stéréotypes entraînés. De gens qui voient le danger comme un prochain petit déjeuner. De trames sonores aussi dynamiques que rectilignes. D'incompétences féminines crades. De cascades répétitives par des cascadeurs redondants. De dialogues d'évidence et de scénarios prévisibles. Créés par le départ de la susmentionnée A-Team, on décida de tourner un long métrage exactement dans l'esprit de l'énumération d'avant. L'Escadron Counter Force, le résultat. C'est une production américano-mexicano-espagnole, j'en ai parlé tantôt. Un drôle de mélange de nationalités qui rappellera à quelques-uns le drôle d'hybride que l'on affronta ici il y a quelques semaines, les Eliminators. Dans lequel il y avait légionnaire romain, ninja, robot, mandroïde, Montana, lesbienne butch, mitaine de pour laver le char, redneck, voyage dans le temps et néandertal. C'était beau ça. C'était très beau. En tout cas, Counter Force, c'est de la bombe, du moins 7 solides, qui passe très rapidement en ne manquant aucune des étapes qui nous sont chères. Surtout pas celle de tomber en bas après s'être fait tirer. Surtout pas celle de tomber en bas après s'être fait tirer. Il va y avoir des passes de bureau. Ce qui manque, c'est des passes de blonde, peut-être. Mais ça, on n'est jamais triste, là. Mais je veux dire, les passes de blonde, il n'y a aucune fille dans ce film-là, sauf une. Elle est donc responsable de la maternité de l'entièreté de l'univers. Si on considère que... En tout cas. En gros, l'histoire de Counter Force, c'est celle de Cassar. J'en ai parlé tantôt. Le révolutionnaire Cassar a des idées progressistes pour un politicien de sa petite île d'Afrique du Nord. Parlant de République d'Afrique du Nord, située sur une île... J'ai jamais été capable de la situer parce que sur l'île, on parle espagnol, c'est supposément arabe, et puis les gens sont très, très peu bronzés. Je pense que c'est peut-être l'île de Chypre où Andy Waty veut faire son centre du monde. Peut-être que ça ferait un lien, tout ça, là, avec Robert Foster. Ou Sao Tomé, là. Ouais, dans ce coin-là. Ouais. Donc, sur cette île, le dictateur Robert Foster, sultan dictateur, qui jouait le gentil dans Jackie Brown, vit sa vie de sultan dictateur méchant. Ainsi, après une tentative d'assassinat, il kidnappe, tue et hurle à qui mieux mieux en tentant de faire perdre la crédibilité, les élections et la famille de son ennemi. En réponse à la crise qui bouillonne, les Américains envoient leur meilleur des meilleurs des meilleurs des meilleurs sous forme de l'unité secrète spéciale. L'équipe tactique la mieux entraînée, la plus comme toutes les autres équipes spéciales, la Contre-Force. La Contre-Force, c'est Isaac Hayes, le crooner funky. un spécialiste en informatique et en linge trop serré. C'est Flyboy, le nouveau jeune et influençable, le meilleur pilote de l'univers. De contre-force. L'autre, le champion d'arts martiaux, le plus sportif du groupe, un illuminé spirituellement. Qui est vraiment, en tout cas. Et le grisonnant chef, expérience et sagesse de l'équipe. C'est pas mal le seul qui parle aussi. Je vous conseille de garder l'oreille ouverte pour les enseignements spirituels du spécialiste en arts martiaux, parce que toutes ses interventions sont uniques. Vraiment. Puis quand je dis que le grisonnant, c'est le seul qui parle, c'est que c'est le seul qui parle à d'autres personnes que à l'intérieur du groupe des quatre personnes. C'est le PR. C'est vraiment. Là. Pour terminer, c'est assez curieux de constater que c'est l'arrivée du contre-force qui va le plus aider la cause de Robert Foster, sultan dictateur méchant. Appelé en renfort suite à la tentative d'assassinat, les gars de contre-force vont manquer d'attraper l'espion, ne pourront empêcher que Cassar se fasse attaquer au théâtre, ne pourront empêcher que Cassar se fasse attaquer à la sortie de l'hôpital où il était gardé, resteront derrière lors du kidnapping de la femme et de l'enfant de Cassar, pour que finalement, un des quatre se fasse flinguer dans l'opération de sauvetage des enfants de la famille de Cassar. Oh, que c'est compliqué ça, monsieur. La contre-force, merci Serge. Les meilleurs des meilleurs qui n'atteignent jamais 70% de coefficient de réussite. C'est tellement meilleur, ça. On va aller à 14 minutes 35 ici, savourer quelques extraits qui vont sûrement faire beaucoup de sens en lumière de ce que je viens de vous apprendre d'utile à propos du film de ce soir. Ça fait si longtemps que je ne m'en suis pas servi, je ne sais pas si je serai encore. Tu parles de ton flingue ou bien du reste? C'est le sens de l'humour, hein? Elle est bonne, mon pote. Ouais! On passe aux choses sérieuses. Fini la rigolade. Je vous ai gardé à l'abri. Jusque-là, oui. Mais on a hâte d'en sortir. Harris, vous et ces trois bons à rien c'est que qui nous avons parlait, tellement là, informé. Comme... Vous avez été choisi pour, voix, disons, c'est... une mission très spéciale. Et elle est officielle, cette mission? Non. Officiellement, il ne se passera rien. Cette conversation n'a même jamais eu lieu. Tu as vu? On dirait que quelqu'un va bientôt faire le grand saut et changer de plan astral. Oh. Tu peux le dire en français. Mourir. Il y en a un qui va passer l'arme à gauche. C'est ça? J'espère que non pour vous. Figurez-vous que votre boulot sera justement que ce quelqu'un reste en vie. Un homme qui a une liste d'ennemis qui ne viendrait pas sur l'annuaire. Un homme qui aura besoin d'une grande protection que nous sommes les seuls à pouvoir fournir. Est-ce que ça vous tente? Tout cela est content. On embrasse les fusils. C'est bien. Et donc, les héros acceptent la mission de protection vers la République d'Afrique du Nord. On va ici écouter, on va apprendre à connaître Cassar, qui est l'homme à protéger. Je suis obligé d'accepter leur protection. Je n'ai pas le choix. Croit-il vraiment que tu as envoyé quelqu'un avec l'ordre de l'assassinat? Quelle importance? Ça lui a fourni une raison de monter les gens contre moi et ça justifierait mon meurtre. Il ne te tuera pas, Cassar. Non, je ne crois pas, non. Mais je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Tu sais, Gamal... Je me considère comme un homme. Pas la satisfaction de pas me tuer. Ouais, je sais pas, je l'ai pas compris. Tu ne tueras pas. Ah, je donnerai pas cette satisfaction. Ah. Bonjour, ouais. Papa. Ah, Cassar, un homme de famille. Ben oui, il y a une famille. Il traîne son kit à kidnapper. La police vient d'appeler au sujet de ton discours. Ils ne veulent pas que tu prononces. Oui, ce serait plus prudent de rien dire. Oh, mais ça n'a rien de surprenant. Les risques doivent leur paraître trop importants. L'homme que tu as épousé n'a pas l'habitude de reculer devant le risque. Je sais. Il a plutôt l'habitude de se répéter. Fais attention à toi. Est-ce que tu vas prononcer ton discours? Ton père fait toujours ce qu'il a décidé de faire, toujours. Il se répète. Le chef de la police veut te voir. La police, ça n'est jamais très agréable. Les vacances sont finies. C'est sûr que c'est pas drôle pour personne. Hein? Non, on a une petite minute encore d'extrait. Ils vont rencontrer la police et faire des plans pour protéger Cassar, qui est l'homme important, sans qui la Inspecteur Rodriguez. Puis on a appris à le connaître, puis alors, à l'aimer déjà. Qu'avez-vous à proposer? Oui. Pour nous, la priorité est d'assurer votre sécurité. Pour moi, c'est le discours qui est prioritaire. Vous pouvez sans doute le repousser de quelques jours. Il n'en est pas question. Désolé. Vous pourriez donner une conférence de presse sur une autre île. Pas question de me dérober. Vous ne pourrez pas l'en empêcher. Inspecteur Rodriguez, allez-vous, oui ou non, me laisser prononcer mon discours? Je ne vous convaincrai pas. C'est parfaitement raisonné, vous vous rangez en mon point de vue. Allons-y, Diaz, on nous attend à l'aéroport. Vous savez, notre petite île était bien tranquille jusqu'à votre arrivée. Eh bien, mon cher, c'est une vie passionnante qui vous attend maintenant, grâce à moi. Tu n'es pas impressionné? Je ne suis pas rassuré. J'ai l'impression qu'il s'attend pire. Peut-être a-t-il raison. Mais ça ne m'arrêtera pas, tu le sais. Ça, c'est sûr que ça ne l'arrêtera pas, parce que sinon, il va être obligé de répéter qu'il n'y a rien qui l'arrête et qu'il continue tout le temps de faire ce qu'il a décidé de faire quand il a décidé de foncer de l'avant et de ne pas reculer vers la chose et le but qu'il a décidé d'atteindre. Oui, mais peut-être a-t-il raison. Même s'il a raison, je vais continuer. C'est ça. Aïe, aïe, aïe, aïe. Donc, c'était les extraits pour aujourd'hui de Counterforce. On va y revenir. J'ai préparé une espèce de petite séquence où on entend très, très bien dire le monsieur d'une insanité qui n'a pas de sens. Un petit peu comme ce que tu vas nous remettre là, hein, mon Étienne? Ouais, ben moi j'ai plein d'autres belles affaires. À un moment donné, j'avais fait un spécial volaille pour l'Action de grâce. Puis la semaine d'après, ou la semaine d'avant, j'avais fait un spécial Oktoberfest. Fait que pour lier les deux, j'avais trouvé un yodel chanté par une poule. Le fameux Chicken Yodel de Terry Christensen. On se tanne pas, écoutez ça. Oh. Et c'est impossible de stanner. C'est totalement impossible. T'as dû comment de temps, ce chanson-là? Il reste 1 minute 14, mais je le laisserai pas au complet parce que sinon, j'aurais pas le temps de mettre toutes les bonnes autres affaires. Évidemment, si je fais un best-of de mon année, il faut absolument que je mette au moins une toune de Chantal Renaud. Oui. Fait que je vais remettre, je pense, ma préférée. Là. J'ai eu de la misère à choisir, là, mais Plattsburgh Drive-In Blues. Qui était bien sûr là au drive-in de Plattsburgh, au ciné-parc de Plattsburgh. Le blues de ça. T'étais là quand j'ai fait jouer. C'est ça qui me l'a fait écouter. La réaction initiale de Sarah, ça avait été: mais elle chante en français? Oui, oui. Fait que Chantal Renaud, évidemment, qui est ma première dame du Québec préférée, j'aimerais qu'on la ramène, s'il vous plaît. Quitte à aller dans le bal. Quitte à se marier, qu'est-ce qu'elle me marie avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Avec Jean Charest, qui flush donc Michou. Elle n'en fait pas des bonnes tunes de même, Michou. Non. Sinon, Mais son spaghetti meatballs, il paraît que... Ouais, ben c'est moins intéressant. Sinon, à part de ça, à un moment donné, j'avais parlé de bouffe, fait que j'avais fait jouer les friandises qui nous chantaient les moules et les frites. Dans le journal, on a passé une petite annonce. Depuis cet infernal, il y a des tas de réponses. Donc ces deux filles-là, les moules et les frites, ces deux filles, une qui est les moules, l'autre qui est les frites, ils cherchaient un gars. Et l'autre blanc. Mais ce qui comptait, leur critère principal, c'était ça. Ils aiment les moules. Peu importe leur personnalité et leur look, s'ils aiment les moules et les frites et la bière, c'est correct qu'on en veut. C'est quoi leur numéro de téléphone à ces filles-là? Parce que je les aime toutes ces affaires-là. Ah, ben écoute, comme tellement d'autres que les appels. Mais il y avait l'air d'avoir à peu près 25-30 ans en 83. Fait que peut-être que c'est moins tentant de les appeler aujourd'hui. Donc, recommandation des DJ. Totalement gratuitement. Sinon, il y avait la toune qui poussait au suicide. Et pas pour les auditeurs, mais pour les gens qui l'interprétaient. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Quand j'avais fait mon spécial mort au début novembre, on avait ici Margot Lefebvre qui chantait Darla Dirladada et qui s'était suicidée 19 ans plus tard. Et puis, quelques années après l'interprétation de Margot, il y avait Dalida qui l'avait chantée et qui, elle aussi, s'est suicidée un peu plus tard. Donc, voilà, c'est la chanson qui pousse au suicide. Si vous indiquez ça, vous allez vous suicider dans les prochaines décennies. Y avait-tu Donald Lautrec aussi qui avait fait une tentative de suicide après l'avoir chanté? Non, il y avait... Non, c'était pas Donald Lautrec qui n'avait pas essayé de se suicider, malheureusement. Il a fait la roue chanceuse à la place. Ouais. Mais non, il y avait Mike Brandt qui avait essayé de se suicider puis qui s'était raté puis qui avait recommencé après. Mais lui, il avait pas chanté cette chanson-là. Tu as su que oui. Oh, il l'avait chanté, il l'avait juste pas indiqué. C'est ça, il l'a chanté dans cette douche. Ouais, sinon, ben, dans les grands suicidés, il y avait évidemment Kurt Cobain. Mais comme je peux pas faire jouer Kurt Cobain parce que c'est quand même pas le mandat Radio Coche, j'avais trouvé plutôt la version de Ella Kalaiset de sa chanson bien connue Smells Like Teen Spirit. Oui, oui, oui, oui. Hey, ça c'est oui, une excellente idée, ça, ce spécial-là. C'était bon. orchestre le papa, je me donne papa. Donc, eux autres, c'est un groupe de Oompa qui font que ça, reprendre des succès rock en Oompa, qui est comme de la polka dans le fond, mais de Finlande. Donc, c'est toujours très bon. Toujours. À part de ça, ben, il y a eu le spécial enfants. Alors, dans le spécial, les enfants qui chantent, évidemment, ça prenait absolument des enfants violés. C'était la famille Simard. Donc, j'avais évidemment fait jouer ce grand succès. Il avait fait danser tout le monde en studio. On avait eu même une chorégraphie de Jess et de Kate à l'époque. Vous avez manqué ça, ceux qui n'étaient pas dans le studio. Nous autres, on était là. Nous autres, on était là. Ça hante encore nos rêves. Encore et toujours. Voilà que ça danse, regardez USA, celui pour qui mon cœur va. Il manquait une syllabe, hein? Ouais. Mon appendice cardiaque. Ça va mieux rentrer. Et soudain, mon corps n'arrêtait pas de tomber. Oui, c'est mon idole, Michael Jackson. Ah, quelle belle chanson. Ça a autant rapport que l'interprétation du grand corbeau de tantôt. L'important, même, c'est que ça rime. C'est ça. Oui, c'est mon que ça fit dans le temps. Sinon, dans le spécial enfant, ben écoute, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de remettre la meilleure enfant de Radio Cochonnerie. Dominique, Nique, s'en allait tout simplement. Soit Mimi es-tu avec sa belle voix de... Moi, je trouve que c'est pas une voix de casserole, c'est plus une voix de Tupperware. Il ne parle que du bon Dieu. Qui avait repris la tune de Sœur Sourire. Et qui avait également refait celle-là. Non, papa, je ne veux plus. Retourner en place. Dis, papa, ça fait la voix comme le mari dans les Freaks. Je connais pas, mais ça vaut la peine de découvrir alors. Donc si elle ne croit plus à la géographie, donc elle ne veut plus retourner à l'école. Parce qu'elle a l'impression que son cours est fini. Donc ça, c'est du décrochage puissant, là, d'avoir 7 ans. Puis en plus, elle veut arrêter l'école pour partir avec un gars. Alors voilà. Chut. Dites aussi, peut-être ça plus jeune dans le tête. Si on a une chance de te plugger, hein. À toutes les fois. Sinon, ben, dans les enfants, c'est tout le temps puissant. Hein. Ça, un des groupes d'enfants préférés, c'était la famille Stanton. Donc, c'est un groupe de franco-ontariens qui était pour de vrai produit par Guy Cloutier. Fait que pour ceux qui se demandent comment ça que Céline est restée, ben c'est parce que sinon c'était ça. Fait que on va prendre maintenant. Ce qui est beau, c'est qu'il n'y a rien qui est accordé pareil dans cette chanson-là, mais ils essayent tous de s'ajuster tout au long. Ils finissent par se rejoindre à la fin. Oh, message! C'est beau. Fait que j'en mets une dernière, là, rapidement, parce qu'on approche de la fin, mine de rien. Dans mon spécial de Noël, ma meilleure chanson de Noël de tout le monde entier, c'est pas quelqu'un qui la chante, c'était des objets qui étaient en vedette dans The 12 Tools of Christmas. Oh. On a le premier outil. Le deuxième et le premier. Donc c'est pareil comme la vraie toune, à chaque fois on en rajoute un puis on récapitule. C'est fait par The Handyman. Merci à Rébin. T'as-tu les deux sur le stage à attendre chacun des deux pour se donner un coup de doigt? Là, il y a le gars qui rit, qui s'est coupé un doigt, je sais pas. Fait que c'est là qu'on comprend que ils ont beaucoup de scie, par exemple, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ben c'est parce que c'est pas tous les outils qui font vraiment du bruit, tu sais, comme un tournevis ou. Ouais. Ici, ça sonne fort. Ouais. Moi, ma préférée, ça reste la sainte Vive le vent, par contre. Ouais, ben ça, on n'a pas le choix, hein. Ça, c'est une des choses audio qui a la moindre raison d'exister, à mon sens. Ouais. C'est surtout surprenant comme arrangement pour Vive le vent. Yeah, with the funky. Ouais, with ça, je pensais que c'était snowman. Hey, sous fond de Jacinthe, tu vas nous faire ta dernière nouvelle, Bruno? D'accord. Mais comment je vais faire? Le rythme est tellement envoûtant. Essaye d'embarquer, man. Alors, quelque chose d'important là, qu'il faut savoir, il faut pas tomber amoureux sur Facebook. C'est ce que Stuart Slan a découvert récemment à ses dépens. L'homme de 39 ans, marié et père d'un enfant, avait rencontré Emma, une jeune femme dans la vingtaine, sur Facebook, et leurs échanges de nuit, plus ou moins obscènes, se faisaient de plus en plus fréquemment. Ils ont finalement décidé de se rencontrer. Arrivé à destination, après 9 heures de route, il a trouvé la maison où Emma lui avait dit de la rejoindre, verrouillée et désertée. Inquiet, il appela Emma au numéro duquel elle lui envoyait des messages textes. Quelle ne fut pas sa surprise de tomber sur la voix d'un homme qui lui affirmait qu'il avait été dupé par ses pires ennemis. Stuart avait rencontré deux hommes et avait eu un différend avec eux, causé par des divergences de point de vue par rapport à leur équipe de soccer préférée. L'échange s'était terminé après que les deux hommes aient battu Stuart au point de lui casser la cheville et une côte. Non content de cette issue, les coquins ont passé tout ce temps à planifier leur vengeance. Stuart est maintenant divorcé. Wow! La prochaine fois qu'il parle de soccer, il va faire attention à ça. Hey, merci beaucoup, Sarah, d'être passé. De rien. On s'en va au brouhaha, écouter des affaires spéciales. Oh, c'est là. Yeah. Funky. Okay. Les mains, tu vois, Yoda. Remets-tu son petit gag ball, là, il va arriver. Ouais, je le remets dans mon sac. Ça nous donne le coup de faire, ça me fait plaisir de vous inviter à écouter la petite phrase intelligente qu'il va avoir ici, qui vient de notre élément comique de Counter Force. Merci beaucoup, Étienne Forêt, déjà un an. Ben oui, ça passe vite. Ben oui, ça passe vite. Toi, Bruno, on a oublié de fêter ça, fait qu'on oublie ça. C'est pas trop grave. J'aimerais juste rappeler aux gens, aux auditeurs, que s'ils ont une chose à se rappeler de l'émission ce soir, qu'ils s'en souviennent. Ça, c'est bien dit. C'est bon. C'était 70%. Yeah. Ça ressemble tout à fait à la maison de mes parents. Ouais, tu prends tes désirs pour des réalités, ce père-là. Il y a des vies faciles partout dans cette île. C'est pas difficile si t'es assez viril. Ça suffit, mon pote, je trouve ça débile. Là, t'as mis dans le mille. Docteur Cassard, vos gardes du corps sont arrivés. Vous êtes les meilleurs, à ce qu'il paraît. Puis-je vous présenter mon fils? Et ma femme, Roxana. Madame? Heureuse de vous connaître. Tout le plaisir est pour moi. De te revoir. Tu as l'air en forme. Comment va mon oncle? Il ne trouvera le repos qu'une fois que le traître sera passé en jugement. Bien entendu. C'est pour ça que tu es venu. Je ne suis pas venu seul. Pourquoi? Les ennemis de notre révolution sont une épine dans notre pied. Nous devons agir très vite. Quand vas-tu frapper? Cassard commencera son discours sur la terre et le finira en enfer. As-tu pensé aux forces de police? Tu oublies que je suis un expert en ce domaine. Fais-moi confiance, j'ai tout envisagé. Même ça? Regarde-les bien. C'est sa protection américaine. Ils sont en ville depuis cet après-midi. Tant pis pour eux, je tuerai 5 hommes au lieu d'un seul.